Numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. L'Asile le plus sûr également diffusé sur asile35.blogspot.fr. Émission aussi réécoutable à partir de vos sites de podcast préférés ou en vous abonnant par exemple au flux RSS L'Asile sur archive.org. Que de technologie, Vikan, n'est-ce pas ? Oui, que de technologie. Bienvenue, Vikan. Bienvenue dans l'Asile le plus sûr. Donc, émission entièrement en tant que compagnie à l'occasion d'une manifestation que tu organises dans quelques semaines, dans une petite quinzaine. Ouais, ça va s'appeler Rhapsody en juin, ça s'appelle d'ailleurs. Et c'est les 1er, 2 et 3 juin. Et ça se passe à Rennes. Ça se passe à Rennes, dans le jardin de la Mimobile. Qui est, voilà. Boulevard, qui est boulevard Villebois-Mareuil. C'est, ouais, Villebois-Mareuil, à côté des labos. Dans ce coin-là. Village d'Alphonse, c'est ça. Trois jours, tu disais. Trois jours, puisqu'il y a deux jours qui sont réservés aux enfants. Le mercredi, c'est un atelier choral en mouvement, on va dire. La restitution, c'est le mardi avec Sophie B, qui est en fait cheval scintillante, qui fera l'orchestre. Et le 3 juin, c'est la grosse soirée avec Gilles Vigne, Bertrand Fraisse, Hergé Raff, moi-même, Thomas Lecor. Et voilà. Et Tutti Frutti. Et Tutti Frutti. Okay. Plusieurs duos, trios, voilà. Ok, ben on va parler de ça un peu tout le long de l'émission. Mais je te propose de démarrer avec un titre un petit peu rock'n'roll, avec Surplus 1980 et l'album Relapse in Response. Alors c'est sorti en 2011, ce disque. C'est le projet en fait du batteur multi-instrumentiste Mou Stagno, ex Sleepy Time, Gorilla Museum. Son premier disque donc pour sa grande formation de la Bay Area de San Francisco. Ouais. Et bon, je me suis dit qu'on avait démarré avec ça parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il sortirait un split dans quelques jours et aussi un nouvel album. Ouais, donc autant nourrir la rumeur. Voilà, donc on attaque avec le premier disque de Surplus 1980 et le titre, le bien nommé Aggravation. We'll be right back. Et oui, dans la Zélie de Puissieu, on aime aussi le rock, hein, n'est-ce pas? Oui. Avec tout d'abord, on a écouté tout d'abord Surplus 1980, qui est la formation américaine de Moe Steinio. Je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, son nom de famille, avec son premier disque qui était sorti en 2011. Ils avaient sorti un deuxième qui était un peu plus court en 2013. Et depuis, on attend. Et il y a des disques qui étaient annoncés pour 2015, 2016. Donc apparemment, un disque long au moins cette année. Et un split aussi, on ne sait pas avec qui par contre, mais ça peut être un peu avec du gratin, parce que par exemple les gens de Surplus 1980, bah, comme ils sont à peu près 20 ou 25 à tourner là-dedans et qui tournent aussi pas mal en concert, notamment ils ont joué à l'automne dernier en compagnie de ZX et Ken van der Mark. D'ailleurs bah, ils ont toujours été assez proches d'Andy Moore et aussi de JW Sock qui, bah, qui a fait des lyrics notamment pour le second album. Et d'ailleurs on les retrouve aussi sur la compilation dont on parlera tout à l'heure, Listen to the Painters de JW Sock, qui sort tous ces jours-ci. Voilà, donc pour Surplus 19 et ce Relapse in Response, qui était enchaîné avec un combo de free rock de la perfide Albion, créé à Southend-on-Sea en 1974, ce qui ne nous rajeunit pas, donc par le guitariste Ian Staple. Et donc cette formation, qui répond au nom de Red Square, vient tout juste de sortir bah, des bandes, on vient de leur sortir des bandes, un label espagnol. Qui répond au nom de Gersen sur sa subdivision Mental Experience, qui vient d'éditer Rare and Lost Recordings, deux sessions de 76 et 78, l'une en première partie d'ailleurs de Henry Cow. Et c'est vrai qu'ils étaient assez bon, ils étaient assez proches des gens un peu du Rock in Opposition en Angleterre, mais avec un son qui faisait beaucoup penser à la new wave américaine. On pense pas mal au Blue Humans ou encore à Last Exit, le projet dans lequel officiait Peter Brotzmann, un mélange donc entre guitare un peu à la Derek Bailey et des choses un peu free. Oui, c'est bien Derek Bailey. Ouais. Et c'est une vraie découverte, hein. Je ne connaissais pas du tout ce groupe. Je vous conseille vraiment de vous ruer sur ce Rare and Lost Recordings de Red Square. Je mettrai d'ailleurs un lien Bandcamp sur le site de l'Asile. Ça a été remasterisé d'ailleurs par un ancien membre, John Seagroat, qui est d'ailleurs actuellement dans Current 93. Comme quoi, ça mène à tout, le free rock. Voilà donc pour Red Square, et on va continuer avec une petite séquence de variété italienne si tu veux bien, Vikan, et après on non, attaque. Non, je ne veux pas, mais ok. Mais ça va te plaire. Non, mais si, je t'avais confiance. Avec Sylvia Castel du combo Control Unit, qui est une chanteuse et manipulatrice de synthétiseurs, on va dire, mais de manière un peu brutiste, qui pratique une sorte de musique un peu post ou proto-industrielle, et ça depuis une bonne quinzaine d'années, notamment au sein donc de cette formation Control Unit, aux côtés de son compagnon Nini Morgia. Voilà, ils viennent tout juste d'ailleurs de sortir eux aussi un split en compagnie de Gate, le projet solo de Michael Morley, le néo-zélandais des Dead Sea. Et elle a aussi sorti, Sylvia Castel, pas mal de choses ces derniers temps, une cassette, comme c'est un peu la mode. À la mode. Voilà. Et c'est aussi, bien, bah oui, c'est très bien. Et un disque vinyle monoface, ça aussi, ça revient en force, qui répond au nom de 39, et c'est le premier volet d'une série Bedroom Solitary du label grec Phase Records. Phase Records, bon, qui a participé notamment à la coproduction des disques de France Sauvage et autres Rien Virgule. D'accord. Voilà donc pour planter un peu le décor, et on va écouter donc cette variété italienne, ou tout au moins en partie, un extrait de ce vinyle monoface 39 par Sylvia Castel. Merci. Thank you. Thank you. savais que ce genre de variété italienne se te plairait, oui. Vicane. Oui, oui, c'est la bonne variété. Histoire de te mettre en jambe. Merci. Donc Sylvia Castel, à l'instant, avec un extrait de son tout nouvel album, un vinyle uniface, monoface, sous le titre 39, sorti 9. Je ne me risquerai pas à vous le dire en italien, sorti sur le label Phase Records, dans une toute nouvelle série, Bedroom Solitary, qui lui va très très bien d'ailleurs. Elle a sorti une cassette sous le titre de The Gap, qui est vraiment très bonne aussi, sous Noise Cologne Tapes. Voilà, que j'avais hésité à vous passer également. On va attaquer ensemble donc Vicane, à l'occasion donc de ce printemps de la compagnie L'Échelle de Jacob. Donc est ton association que tu as depuis 2002. Oui, ça fait un petit bail. Ça fait un bail, oui. Association Mix Media. Art vivant, je dis Mix Media, ce qu'on veut, enfin. Ouais, donc autant musique qu'art plastique. Au début, c'était art plastique, théâtre, et maintenant, c'est plus musique. Après, moi, je considère que Échelle de Jacob, c'est une mise en relation, en fait, de gens. D'accord. Que je connais, en fait, tous les gens qui sont dans la, qui participent. Je les ai rencontrés au moins une fois, et on se plaît. Et voilà. Voilà, tout ton réseau fait partie de l'échelle de Jacob. Participe à l'échelle de Jacob, on peut dire ça comme ça. D'accord, donc tu as fait du théâtre aussi, des performances aussi, théâtre et danse également. Oui, danse beaucoup, ouais. Et là je reprends un travail qui est essentiellement basé sur la voix et le corps. Ok. Voilà, donc je fais de la musique avec le corps et la voix. Voilà. En fait j'installe une base rythmique. Ensuite, je mets de la voix, soit chantée, soit parlée. Et c'est soit en solo, soit accompagné. Voilà. Il y a aussi un côté visuel, si je danse en même temps, ça dépend. Ok. C'est vrai que moi, je te connais surtout par ton duo Le Bitter Show, hein, oui. Qui existe depuis 4-5 ans. Depuis 3-4 ans, ouais. 3-4 ans. Déjà. Mais tu avais déjà une pratique sonore. Ouais, déjà j'avais déjà une pratique sonore par le piano. Ok. Et là, depuis que je suis très jeune. Et aussi ma mère était musicienne, mon grand-père était compositeur, donc c'est ancré profondément. Ok. Et donc en solo, en duo, souvent avec des textes de. Oui, ça a été avec des textes de Dagerman les derniers temps. Stig Dagerman, que j'ai également joué avec Nicolas Laforest en one shot une fois à Toulouse. Nicolas Laforest, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Et c'était quoi la question? Et donc, non, c'était, en fait, c'était souvent des exercices vocaux ouais. Mais avec une base textuelle en avec fait. Avec une base textuelle, et je choisis mes textes. Il y a eu aussi Jules Doudin. Oui. Et, un bon schizophrène. Une bonne rencontre. Une bonne rencontre aussi, oui. Mais là, tu voulais démarrer non pas avec Jules Doudin, même si dans l'asile, ça aurait été très... Oui, ça aurait été bien, mais bon, vu qu'il a été joué pas mal et que là, j'avais envie de changer, je vais prendre je vais mettre en fond sur une cassette, un lecteur cassette, Blood Maniac, c'est un son de Andy Bolus, c'est une cassette qu'il m'a donnée il y a quelques temps, quand il est venu jouer à la ferme de l'harpe. Et on a passé quelques jours ensemble et c'était très très bien. Et je vais mettre par-dessus un texte de Boris Vian. Je voudrais pas crever. Ok, bon, on va pouvoir attaquer. Le temps de caler le petit micro bleu qui est devant moi. Voilà, je t'écoute, nous t'écoutons. Pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver.

J'ai une phrase à dire qui m'a dit Andy Bolus, qui est super belle. C'est qu'on est en train de parler de l'impro que je faisais éventuellement le lendemain avec Cassette Straub, avec Arnaud Fureau. Et je réfléchissais à ce que j'allais faire éventuellement. Et là, il me sort « Arrête de réfléchir, Vikan, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu fais d'abord et tu réfléchiras après, sinon ce n'est pas réaliste. » Et depuis cette phrase, j'avance beaucoup plus vite. Voilà. D'accord, bah je vais méditer ça aussi pour... Ouais. Pour mes activités radiophoniques. Et autres. Et autres. Bon, on va enchaîner avec un titre qui te tenait à cœur, hein, d'un duo que tu aimes beaucoup aussi. Un duo qui marque la rencontre entre le guitariste de Cannibal Eva Iné, Nicolas Lafourette, dont on parlait tout à l'heure, oui. Et JW Sock, ouais. Josh, qui ont sorti deux mini-albums. Deux mini-albums, ouais. Un 25 cm et un 45 tours, ouais. Donc ça fait presque un album ça complet. Ça fait presque un album et c'est très très très bien. Et là, ton choix était de diffuser le 25 cm sorti donc l'an dernier, et le titre Around the Corner, donc qui fera une très bonne transition avec un titre écrit par Sock, je crois, pour ce titre, contrairement à d'autres de ce duo. Ouais, voilà. Ouais, c'est lui qui l'a écrit, c'est hyper beau. Et la musique fait étrangement penser à quelque chose d'ailleurs, je vous laisse la surprise. For a long journey, I know. I know you are away and back in just a moment. I know. I know you are. I know you are, but still I start to wonder. You and I have warned you for what lies ahead around that corner. What lies ahead around that corner? Just a moment. I know you are. But still I start to wonder. Shouldn't I have warned you for what lies ahead around that corner? What lies ahead around that corner? Vous êtes toujours dans le cosmos en compagnie de Vikan Shaw dans l'asile le plus sûr. Voilà, donc histoire de vous montrer un peu l'éclectisme de la demoiselle qui est en face de moi. Là, on vient d'écouter Hergé Raff qui vient de Bordeaux et avec qui on va travailler sur le projet Sobre Violence qui va être joué le 3 juin. Avec Thomas Lecor pour Rennes, Sobre Violence, et on sera accompagné à Bordeaux, à l'Anvers le 18 juin, avec Sophie Bernardou, qui est aussi cheval scintillante. D'accord. Voilà. Et qui est à Cherbourg, elle. Du côté de Cherbourg. Et qui fait partie de Folle Église, voilà. En effet. Ok, donc du coup, un nouveau trio que vous avez tous les... Voilà, le premier... En fait, c'est un duo, une base de duo, et puis avec Hergé. Girafe, et on fait des collabs avec cette base. Ok. Et donc Sobre Violence, c'est un peu un... En fait, c'est en gros, quand j'ai un projet et qu'il y a des gens avec qui je travaille, je l'appelle ça Sobre Violence. Ok. Faites clair. Parce que tu es Parce très... que ce que je fais, c'est un peu violent, mais c'est sobre. Voilà, et c'est pas sombre du tout. Hein. Ça peut être sombre, mais c'est... C'est sobre. C'est sobre. Non mais ça me va très bien comme explication. Et donc Thomas Lecor sera à la guitare acoustique ou il est sort l'ampli? Je ne sais pas encore comment il va travailler ça, il est en train de travailler. Moi j'ai déjà eu l'occasion de faire un trio avec lui, avec Hervé au Sympathique il y a quelques temps sur un texte de Dahlström. Ça s'est très très bien passé et moi j'aime beaucoup le travail de Thomas, de toute façon je sais que ça va le faire. Tout à fait. Donc voilà. Tout ça, ce sera dans le jardin de la... De la Mimobile, le 3 juin. Ça commence à 19h. Il y aura tout ce qu'il faut là-bas. C'est un super accueil là-bas. Enfin, Christophe, le gérant, on va dire, du lieu. Si c'est un mot adéquat. En tout cas, c'est quelqu'un de top. Il y a un paf. 5 euros. 5 euros, d'accord, ouais. Ok. Et donc, 5-7 à suivre à peu près. Donc... Et ça va durer une partie de la nuit aussi, j'imagine. Pas forcément, non. Non, ok. On fait un... 19h tôt. Il y a Root Garden, c'est un set qui est composé de Hergé Raff qui va faire quelque chose avec Gilles Vigne. Voilà. Ok. Et un autre set de Bertrand Fraisse également. Et okay. Sobre Violence, ça fait 3 sets. D'accord. Juste avant, donc, on écoutait le duo The Hand, dont on a parlé un tout petit peu, juste pour vous signaler que le thème était honteusement pompé de Joy Division sur ce titre. Une imitation en fait, hein. Il tourne autour du thème de Atmosphère, voilà, mais de manière proche ou lointaine. Et donc ça figure sur le 25 cm sorti chez Tractor No Town, le propre label de Josh J.W. Sock. Et qui vient tout juste de ressortir d'ailleurs un disque de l'ensemble de ses collaborations. Alors tout autant avec les combos français bien connus de ces dernières années, Cannibal Ivaïné, L'Étrangleuse, Filia Mozza, bien évidemment, et également Chepi Chapeau et les petites musiques de pluie, que ces projets avec d'autres Hollandais, et notamment aussi avec Action Beat, j'oubliais. Ouais. Et des titres originaux aussi, ça s'appelle Listen to the Painters. Il y a des titres d'ailleurs qui figuraient, par exemple le surplus 1980 qu'on entendait au début d'émission, cette fameuse formation américaine, c'était pas chanté du tout par Sock, et là c'est le titre avec Sock, donc formidable. Ouais. donc raison de plus pour se ruer sur ce Listen to the Painters, ouais, c'est hyper bien. De Sock, qu'on aura l'occasion certainement de revoir à Rennes dans les prochains mois. Prochains mois, sûrement. Voilà, on vous reparlera de tout ça très bientôt. On va enchaîner avec un autre de tes camarades. Oui, Gilles Vigne. Il faut préciser que ses camarades m'ont été présentés par un Castor Wisp. Il y a les surnoms à chaque fois, j'ai du mal. Il s'appelle Arnaud, qui vient de Pau, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui fait partie également de, qui faisait partie de Gocho Gocho. Et ça fait un peu 20 ans qu'on se connaît et il m'a présenté toute cette bande-là, Gilles Vigne, Bertrand, Bertrand c'est par Gilles, etc. Le réseau, quoi. Ok, donc c'est tout ton possible. je commence à dire nimp, donc on va mettre le morceau. Alors Gilvine, tu veux peut-être juste nous faire Gilvine, un tout petit... Ah ouais, moi je veux bien faire un truc sur Gilvine parce que j'adore son boulot. En fait, quand j'ai écouté son set Jardin électrique quand on était à Pau, c'est vraiment quelqu'un qui pose une base hyper claire. En fait, c'est comme s'il posait un peu la septième porte sur une base... comme ça, il balance quelque chose, ensuite il tourne autour de ça. D'accord. Et ensuite ça prend de la hauteur. Voilà. Je t'entends plus parce que t'es plus. Ah oui, je suis énervée du coup. je l'aime trop, Gilvine. Du coup, je bouge. Et du coup, ça tourne autour, ça prend de la hauteur et ça donne quelque chose d'hyper profond en fait. Moi je trouve que son boulot il est extrêmement prenant. Ok, bah, écoute, on va écouter Dada Chalos que tu nous as sélectionné. Ouais, c'est lui qui nous l'a envoyé. Il vous verrait qu'on mette ça. C'est parti. Merci. Je parle trop. Toujours dans la ville de plus sûr avec la sélection de Mademoiselle Chaud, Vikan, notre invitée ce soir. Avec, tu vas nous présenter un petit peu tout ça si tu veux. Ouais, là, on a eu donc Gilles Vigne qu'on avait déjà présenté tout à l'heure. Et tout de suite, c'était Castor Weeks, je ne me trompe plus. Et c'est quelqu'un qui vient de Paris, qui travaille avec des Bordelais la plupart du temps. Ok, donc voilà. Il pratique là une pop un peu à sa sauce, quoi. La tête dans un sac. La tête dans un sac, c'est pas mal. D'accord. Ouais, ça lui va bien, mais pas que. Et il sera sûrement sur la programmation de cette année sur Rhapsody en janvier, je pense. On fait Rhapsody en juin, ensuite Rhapsody en janvier. D'accord, ok. Ce sera peut-être pas dans le jardin cette fois-ci, mais... Non, ce sera dans un lieu plus... Un autre lieu, ouvert. Ok, d'accord. Et donc lui, basé à Paris, hein, tu dis, mais qui bosse avec des Bordelais autour... Oui, voilà, il était à Pau avant. Ouais, d'accord, donc un peu toute cette clique-là. Et Gilles Vigne, ouais, il a fait partie d'Astreinte aussi. Astreinte, ouais, avec Henri de Navarre notamment, qui va venir en janvier aussi avec Mary Crisis. D'accord. C'est un duo avec lui et Gilles Vigne. Astreinte qui avait sorti un très bel LP sur Nashashphone, le fameux label égyptien au nom imprononçable, qui produit toujours du truc un peu entre free rock, expérimentation en tout genre, pas mal aussi d'électronique, d'électroacoustique, des choses vraiment très très bonnes. Et là on écoutait un extrait de sa cassette sortie sous le titre Dada Chalos, qui est sortie sur Fluxus MT pour Fluxus Montana dans le Massachusetts. Chats, voilà donc. Massachusetts. Merci. Excuse-moi, mais c'est drôle. Et donc, une petite sélection de cette cassette, peut-être d'inspiration Fluxus, je ne sais pas trop. Voilà. On va continuer avec une autre de tes sélections pour ta programmation de juin, Rhapsody en juin. Donc, cette fois-ci à la Mimobile pour la soirée du 3 juin. Oui, c'est ça. 5 euros à la Mimobile dans le jardin. Et donc, on voulait passer un peu de Bertrand Fraisse. Ouais, Bertrand Fraisse, je l'ai rencontré à Toulouse lors de la tournée qu'on a faite avec Échelle de Jacob. Et il a joué avec nous. C'est Julien des Enfants Sauvages qui nous l'a programmé avec nous. Et ça allait pile poil dans ce qu'on faisait. C'était une prog un peu tarée, tout ça. Mais lui, il apportait vachement de douceur et en même temps, quelque chose de fort. Mm. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire du coup le 3 juin Il va faire... Non, je ne sais pas en fait. D'accord, ok. Il fera ce qu'il veut. Très bien. Bah, on va écouter en tout cas ce qu'il peut produire cet homme-là avec des expérimentations sur Serge, système modulaire synthétiseur analogique, couplé à un patch Max MSP. Ouais, c'est très précis. Donc on va écouter un extrait des petites tentacules Serge expérimentation par Monsieur Fraisse, si je ne me trompe pas de bouton, ou que je coupe plutôt... ce qui tourne, voilà, malencontreusement, on écoute ce titre de Bertrand Fraisse. Merci Vikane. Merci. Thank you. sûr, je suis pas le seul à m'envoyer des titres de 20 minutes du cosmos. N'est-ce pas, Vikan? Non. Et donc là, on entendait... Là, on vient d'entendre Mathias, qui vient de Pau, chez qui on était, Aubertin exactement. Chez qui on a passé 2 jours pour faire des captations vidéo pendant la tournée. La tournée était faite au printemps dernier, voilà. Voilà, la chaîne de Jacob. Et lui, son travail, c'est aussi de faire des systèmes modulaires qui va travailler dans l'espace, c'est-à-dire qu'il marche dans la ville avec son matos ou sur des bancs publics, des choses comme ça. Okay. Mais pas que, il fait aussi plein d'autres choses, mais ça fait partie de son travail également, et il sera invité également dans l'année par Échelle de Jacob. D'accord, peut-être en janvier aussi ou... Peut-être en janvier, de toute façon je fais pas beaucoup, hein. Je fais 3-4 choses puisque les gens viennent 3-4 jours, donc c'est pas dans le cadre de tournée, mais c'est plus dans un cadre comme une mini-résidence en fait. Ok, et donc là un titre qui s'appelait Traffic Jam at Saturn Beach. Alors, peut-être en hommage au découvreur des anneaux de Neptune qui nous a quitté, monsieur André Braik. Voilà. Peut-être, faudra lui demander. T'es perspicace, Philippe, c'est cool. Donc voilà, donc un très beau titre du Cosmos sur système modulaire, effectivement. Voilà. On va conclure ensemble peut-être avec... Oui, moi je voulais faire un petit clin d'œil à la soirée qu'il y a eu à Beach, qui a été organisée par Fabienne vendredi dernier, qui s'appelait Gumbo Machine. Et là, il y avait Tracheotomy et DJ Urine. Et donc le morceau c'est So Outside. Et vous allez entendre... Donc juste pour expliquer, c'était à Beach, aux ateliers de Beach à Nantes, oui, hein, c'est ça, Beach, avec ouais, une programmation assez intéressante par une personne que tu avais déjà invitée aussi dans... Fabienne, j'ai rencontré parce que elle fait partie de Beach également, il y a trois personnes qui gèrent, dont elle, qui gère une très très bonne prog et qui fédère énormément, qui est très très présente lors de la soirée en amont et après. Ok. Enfin bref, je la respecte beaucoup, donc je tenais à passer ce morceau, et en plus c'est hyper bien. Ok. DJ Urine et MC Tracheotomy. On va peut-être faire une dernière aparté aussi sur Rhapsody en juin, tu voulais parler voilà, je voulais dire que les enfants peuvent s'inscrire à mon atelier chorale dansée le mercredi après-midi qui commence à 15h, c'est prix libre. La représentation c'est le lendemain à 18h30. Et ça va être sur des musiques des années 80, mais ça part là-dessus, mais ça va être un peu plus barré que sur le papier. Voilà. D'accord. Donc il faut s'inscrire sur Facebook, éventuellement sur l'échelle de Jacob. Donc si des enfants nous écoutent, ou plutôt les parents. Les parents, c'est mieux quand même. Après, je donnerai les explications en détail par MP en Facebook, j'aime bien. Ok, donc tout ça à la Mi-Mobile, début juin, entre le 1er et le 3, Rhapsody en juin, et donc les soirées concerts, les concerts le 3 juin à partir de 19h dans le jardin pour 5€, avec Grudgarden, Sobre Violence et Bertrand Fraisse. Voilà. Voilà. Bah, je te remercie, Vikan. Bah, merci beaucoup, Philippe. Et puis, on se terminera avec un extrait du nouvel album de Raimé, le duo électronique minimal anglais, qui sera donc enchaîné avec ce titre que tu nous as sélectionné de MC Tracheotomy et DJ Urine. Donc, excellente production de Raimé, qui a sorti un très très bon disque long, il y a de ça 3-4 ans, et qui récidive. Donc, ça sort au mois de juin sur Blackest Ever Black, l'excellent label britannique de musique électronique, je crois que j'ai répété électronique au moins 15 fois dans cette phrase. C'est bien l'électronique. Voilà, je vous rappelle aussi que l'émission est entièrement réécoutable et podcastable, par exemple à partir de son blog asile35.blogspot.fr, et je te remercie vivement et très chaleureusement. C'était très, très bien. Allez, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt. On va dormir tout de suite là. Ah! Thank you.